parler. Puis comprendre ça où les enchanter. Fais la tête tourner en mélodie l'amour. Got nothing without you. En voix qu'a résonné, qu'a fait sensation l'élevée. Chaloupé, musique là qu'a fait au plat.